D'accord, mais j'ai l'impression que t'en veux un peu plus. Moi je suis la ramasse complet. G9, D7. passe bien. Thank you. sais pas si c'est ce que t'as.